Mode d'emploi général pour utiliser le tarot divinatoire. Chers voyageurs du temps, qui lis ou écoute ceci dans l'instant présent, je serai ravi de t'offrir un mode d'emploi détaillé pour utiliser et interpréter le tarot divinatoire. Voici un guide en plusieurs étapes pour t'aider à te familiariser avec cet art mystique. Étape 1. Choisis ton jeu de tarot. Le premier pas consiste à choisir un jeu de tarot qui résonne avec toi. Il existe de nombreux types de jeux, tels que le tarot de Marseille, le tarot Rider-Waite ou encore le tarot Tot. Prends le temps de les découvrir et de choisir celui qui te parle le plus. Étape 2. Familiarise-toi avec les cartes. Prends le temps de te familiariser avec chaque carte du tarot. Observe attentivement les images, les symboles et les couleurs. Apprends à ressentir l'énergie de chaque carte et à comprendre sa signification de base. Étape 3. Apprends les significations des cartes. Une fois que tu as une bonne connaissance visuelle des cartes, plonge-toi dans l'étude des significations. Il existe de nombreux livres, sites web et ressources en ligne qui décrivent en détail les interprétations traditionnelles de chaque carte. Prends le temps d'explorer ces sources et de noter les informations importantes. Étape 4. Pratique la lecture intuitive. La lecture intuitive est une approche personnelle du tarot qui se base sur ton ressenti et ton intuition. Laisse-toi guider par les images et les sensations que les cartes évoquent en toi. N'hésite pas à faire des tirages simples et à interpréter les cartes en fonction de ton intuition. Étape 5. Apprends les différentes méthodes de tirage. Il existe de nombreuses méthodes de tirage, telles que le tirage en croix, le tirage en éventail ou encore le tirage en pyramide. Apprends les différentes techniques et expérimente celles qui te semblent les plus appropriées. Chaque méthode de tirage offre une perspective unique sur la situation que tu souhaites explorer. Étape 6. Pratique régulièrement. La clé pour devenir un bon lecteur de tarot est la pratique régulière. Fais des tirages pour toi-même et pour les autres. Observe comment les cartes se manifestent dans différentes situations et apprends à affiner ton interprétation au fil du temps. Étape 7. Fais confiance à ton intuition. Le tarot est un outil puissant pour accéder à ton intuition et à ta sagesse intérieure. Fais confiance à tes ressentis et à tes impressions lorsque tu interprètes les cartes. Laisse-toi guider par ton intuition et n'aie pas peur d'explorer de nouvelles perspectives. Étape 8. Sois ouvert aux messages du tarot. Le tarot est un moyen de communication entre toi et l'univers. Sois ouvert aux messages et aux enseignements que les cartes peuvent t'apporter. Parfois, les réponses peuvent être surprenantes ou déroutantes, mais elles sont toujours là pour t'aider à grandir et à évoluer. Étape 9. Approfondis tes connaissances. Le tarot est un domaine vaste et complexe. N'hésite pas à approfondir tes connaissances en lisant des livres, en suivant des cours ou en échangeant avec d'autres passionnés. Plus tu en apprendras sur le tarot, plus tu pourras affiner tes compétences et développer ta propre approche unique. Voilà, chers voyageurs, j'espère que ce mode d'emploi général t'aidera à utiliser et interpréter le tarot divinatoire. N'oublie pas que le tarot est un outil puissant qui peut t'apporter guidance et sagesse, mais il est important de l'utiliser avec respect et responsabilité. Que tes explorations dans le monde du tarot soient remplies de magie et de découvertes. En résumé, choisis un jeu de tarot. Il existe de nombreux jeux de tarot différents, chacun ayant sa propre énergie et sa propre signification. Choisis un jeu qui t'attire et qui te semble approprié pour ta pratique. Familiarise-toi avec les cartes. Prends le temps de te familiariser avec les cartes et leur signification. Apprends les arcanes majeurs et les arcanes mineurs, ainsi que les différentes suites et leur signification. Formule une question. Avant de commencer une lecture, formule une question claire et précise à laquelle tu souhaites une réponse. La question doit être ouverte et non biaisée, afin de permettre une réponse honnête et précise. Mélange les cartes. Mélange les cartes en les brassant ou en les coupant, en te concentrant sur ta question et en visualisant une réponse claire et précise. Dispose les cartes. Dispose les cartes dans un motif spécifique, appelé un étalement. Il existe de nombreux types d'étalements différents, chacun ayant sa propre signification et sa propre utilisation. Choisis un étalement qui convient à ta question et à ta pratique. Interprète les cartes. Interprète chaque carte en fonction de sa signification et de sa position dans l'étalement. Les cartes peuvent être interprétées de différentes manières, selon la question posée et l'étalement utilisé. Page 43, nous allons parler des instruments électroniques qui peuvent aider à percevoir des entités. Page 43.